à Marseille, bande organisée. C'est la bande organisée. Elle me sert pas là. Sous la gabardine, j'vercane dans l'huracan avec mon pare-balles et ma copine. C'est la formule à Sigway, Jean Dior, mais c'est la cité. J'traverse la porte au bélier, j'traverse la fosse comme Hallyday. Avec ma poupée Rita, sur la pointe du soleil dans la bulle. Tu fais le malin, on t'annule, j'puis ni A comme une IA. J'vois noir sur fond jaune, ton jaune sur fond noir. Serre-moi la main de la gauche, ça la haba bébé, escroc notoire. Je fais de l'allergie, je les monte en l'air comme Balerdi. Un prévenu vaut deux avertis, je fais tout seul donc va leur dire. Si t'es pas Kalendi, m'appelle pas Ju, on n'est pas intime. Ça me rend fou dans les bouchons, je suis au tronçon à la Valentine. Un 3 à 4, brrr, charbon story placard. Rad game streaming, pas les couilles, on prend des coups, on se bagarre. J'arrive en Tiki Taka, je te jure, j'en fais tout slide. Au gars bonito, en mode la mine, y'a mal. Chez moi les petits itabas. Organisé, c'est chaud par ici. Faut la mentalité, charbon comme à l'usine. En bande organisée, c'est chaud par ici. Faut la mentalité, charbon comme à l'usine. Oh oh oh, rap ta wow wow. J'entends les wow wow. Toi t'es fada wow. Marseille tout là. C'est quoi les bails là? J'touche pas la baïda. Serre-moi de la mangue comme les yeux d'Ocatelli Paola. En pétard j'entre en Harley. Je veux créer plus comme les Marley. Quitter la caille pour le petit cœur de la maman, le petit cœur de la maman, pour le petit cœur de la maman. Avec mes potes sur un voilier, à danser la lambada, à faire le tour del mundo, la cigare de Maradona. Ça frappe fort comme au Bellator. Bella, Bella, viens, on sort sans faire exprès. Troisième rappeur à avoir le plus de disques d'or. On a mis tout le monde d'accord, toujours full quand on sort. En bande organisée, on a fait danser les poussicats. Je fais danser les mamans, les maisons carrées. Ça me fait des manières, je les ai fait se garer. On a fait 5 fois diamant, le game est choqué. Dealer, on n'a pas le temps, les gros rails, le parquet. Check le gérant à l'entrée du Jex. Vise la tête pour 10 500 E. Marseillais va à Phuket. T'es la bengue, la road, c'est pas la L2. PST, Baco, Fash, j'suis sur la Provence dans les faits divers. Cinéma, rap, podcast, j'suis sur la Provence en coupe de première. Comme Marseillais de la French dans les rues d'Harlem. Ici tout le monde qui me gench. Chauffe le Ricard à Poutine et même la bouteille parce que ça sent les problèmes. Élève-moi ta cagoule, t'es dans une épicerie. T'apprends une pour Wellou, par un petit de la Tessie. Élève-moi ta cagoule. Bande organisée, c'est chaud par ici. Faut la mentalité, charbon comme à l'usine. En bande organisée, c'est chaud par ici. Faut la mentalité, charbon comme à l'usine. Oh oh oh, rap ta wow wow. J'entends les wow wow. Toi t'es fada wow. Marseille tout là oh là. Petit je rêvais d'oseille, j'ai jamais joué les Vandamme. J'voulais une gauche frita, c'est comme la belle Bianca. On est dedans, dedans poteau. On est dedans, dedans, poteau. On est là pour un. J'suis dans ma folie, dans mon bolide. Ma maman, je l'aime à la folie. J'ai ta rage en moi comme Broly. J'suis avec le J et que la machine et que Love Me. Appelle si à 100K. On est là que pour un tas. Pour esquiver les gendarmes. Mon carton, il y a de la vente. Hey. On est vrai, jamais on se vante. Hey. On descend, on monte la pente. Hey. On vient rechoquer des tentes. En scarré ou sur la A7, bénéf de vente. Hey. À balle dans le col, c'est terre. Hey. On met les gaz, on les fait terre. Hey. Pas loin de mon quartier, Félix Piat. Depuis Milan sur le terre-terre. Hey. Assise dans la galerie, ça sent l'Eric, ça dinguerie. Oh. Nous, on reste les mêmes, clients de Oulan, Wahiri. Kono à Jali, ça sent le funk stream, on voit les Wari. Wari, demandons S.A. Wari. Demandons S.A. Wari. Hola, que tal? Muy bien et tout. pas de pare-balles. J'ai mon métal, c'est tout. Tu connaissais où notre est. Cagoulé, canté, ça tire sur les tresses. Y'a du soleil, j'pose la caisse. TV avec une DS. Roi rire, sort de la DS. Son cul dépasse la GS. Pour quartier, y'a l'hélico. C'est loco, électrico. Ça la cause si elle est cool. RTV ce soir à huis clos. Tout ça, ça m'a saoulé. J'ai mis deux points sur Mbappé. Marqué. Non, on va s'organiser. C'est chaud Paris. Ils font la mentalité. Chacun comme à l'usine. En bande organisée. C'est chaud Paris. Ils font la mentalité. Chacun comme à l'usine. Oh